mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers, que mot à mot il est besoin qu'on pèse. Je brûle de les voir. Et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous. Ce m'est une douceur, à nul autre pareil. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites point languir de si pressants désirs. De pécher. Faites tant et hâtez nos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Et son sort, assurément, a lieu de vous toucher. Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de s'en faire. Votre approbation lui peut servir de mère. Il a d'esprit.